Bienvenue à Web Musique. C'est Simon Roy qui va vous accompagner pour la prochaine heure. J'ai encore de la bonne musique pour vous, de la bonne musique gratuite. Si ça vous intéresse, ben vous avez la playlist de l'émission qui est disponible donc sur le blog de l'émission qui est au www.webmusique.org. Le web s'écrit OUEBE. Donc je vous ai tout préparé ça. C'est très facile. Vous avez juste à cliquer sur les liens pour vous rendre sur les pages et télécharger les pièces que vous allez entendre à l'émission. Également, ben l'émission est disponible en balado-diffusion, donc c'est pas grave si vous manquez des petits bouts, vous pouvez vous reprendre. L'émission est disponible dès le lendemain, donc vous pouvez écouter Web Musique en tout temps quand ça vous plaît. Cette semaine, ben, on va débuter avec un artiste du Royaume-Uni qui s'appelle Defader. C'est sur l'étiquette Breathe Compilations, une étiquette du Mexique. Je vous fais passer sa pièce What Was Lost. Ensuite de ça, du Portugal, l'étiquette Phonotactics présente l'artiste L'eau du robinet. J'adore son nom. Donc, L'eau du robinet qui vient de la Pologne. Je vous fais entendre sa pièce La Passion rouge de la crime. Donc, un album vraiment intéressant. Je vous invite à le télécharger. Ça vaut vraiment la peine. Donc, ben, c'est ça. On débute Web Music avec Defader. We'll be right back. later when I can. You've got to trust me, Mr. Spade. Oh, I'm so alone and afraid. I've got nobody to help me if you won't help me. Tout juste d'entendre la pièce La Passion Rouge de la Crime, c'est par l'artiste polonais L'eau du robinet, qui est sur l'étiquette du Portugal, l'étiquette Phonotactics, une excellente étiquette. Avant ça, ben, on avait débuté l'émission avec D-Fader, un artiste du Royaume-Uni. On a entendu sa pièce What Was Lost et c'était sur le netlabel mexicain Breathe Compilations, un autre excellent netlabel. On va poursuivre avec un artiste qui vient de la Roumanie, qui s'appelle Candlestick Maker. Je vous fais entendre sa pièce To the Thunder, un peu de drum and bass, vraiment intéressant. C'est sur l'étiquette Up It Up Records. Puis ensuite de ça, on va aller encore dans un peu de drum and bass. L'artiste s'appelle Xois. La pièce s'appelle 18, donc tout ça, ça se retrouve sur l'étiquette Phonotactics, comme je vous disais tantôt, une étiquette qui vient du Portugal. Donc c'est ça, on écoute tout de suite Candlestick Maker, la pièce To the Thunder. Thank you. Ça fait toujours du bien d'avoir un peu de drum and bass. Donc, vous êtes toujours à l'émission Web Musique sur les ondes de CKRL. On vient tout juste d'entendre Xoïs, un artiste du Portugal. On vient d'entendre sa pièce 18. Donc, c'est sur l'étiquette Phonotactics, une étiquette qui vient du Portugal. Avant ça, encore un peu de drum and bass. C'était Candlestick Maker, un artiste de la Roumanie. C'était sa pièce To the Thunder. C'était sur le net label Up It Up Records. On va poursuivre cette fois-ci avec un artiste qui vient de la ville de Québec, qui s'appelle Qwerty Music, mieux connu sous le nom de Akena Loamba Okoko, où il évolue aussi sous le nom de Ken Lo. Donc, un artiste vraiment intéressant qui. J'adore son album. Je pense que je l'ai usé. J'ai usé les MP3 cette semaine à force de les écouter. Donc, son album s'appelle Mononucléose. Je vais vous faire entendre deux pièces. On va écouter tout de suite Atterri quelque part. Puis ensuite de ça, c'est la pièce Moonglass. Donc, QWERTY Music. Allez télécharger ça tout de suite. The whole of this landscape, the whole of this surface of the land is broken up and dried up like a riverbed, as though it's made of clay. All of it is cracked. It's just like the moon. It's all dried up and cracked into hundreds and thousands of cracks and holes. It's like the moon. It's red. The whole of the surface of this land is red. Getting hazier and hazier. The colour of clay, I suppose. Yes, it's the colour of clay, and it's all broken and cracked over, rather like a clay pot or something like this. And the sun has dried the whole of this surface. It's just like the moon. And in the distance, a black cliff. Big towering black cliff. And I looked into the distance. And as I looked, so the sun began to rise, began to come up over the mountain. Glorious sunshine. And I looked into the distance. And I could hear this voice, this woman singing. I couldn't hear what she was singing. It was a foreign voice. I knew that I was somewhere foreign. It seemed to be in a foreign country. And I saw this very deep blue sky. This very deep blue sky. And there was a very deep blue sea. Chercher une hygiène de vie. En devenant membre de CKRL, vous obtenez 10% de rabais au Centre de Yoga Québec. Renseignez-vous au 525-96-42. Vous voulez être membre de CKRL? Rien de plus simple. Téléphonez au 640-2575 poste 203 ou passez au 405 3e Avenue ou encore, payez votre adhésion sur le site sillon.com. Let's go! Tous les mercredis, Tania Beaumont vous met au parfum de l'actualité culturelle et vous présente l'émission Québec, c'est pas un village à l'antenne de CKRL. C'est un rendez-vous incontournable entre 17h30 et 19h30 afin de tout connaître sur la vie culturelle de Québec en direct du bar Le Sacrilège. Hey! I wanna go crazy. Vivre ce qui se passe à Québec, branché sur la relève. Un seul endroit, une seule fréquence. Au bar Le Sacrilège, 447 rue Saint-Jean, au 89,1 CKRL, la radio culturelle. Une présentation de Boréal et de Pastissimo. I wanna go crazy. La radio culturelle à Québec. La radio culturelle à Québec. De retour à Web Musique, vous êtes toujours en compagnie de Simon Roy. Donc, on va poursuivre l'émission avec un artiste qui vient de la Grèce qui s'appelle Eris H. Je vous fais entendre sa pièce Burning Leather. C'est sur le net label allemand Vescalt Blau Warm. Donc, un net label qui est quand même qui fait partie des pionniers. Donc, c'est sur l'excellente compilation qui s'appelle Dancing About Architecture. C'est une compilation anniversaire donc de l'étiquette. Puis ensuite de ça, une autre étiquette qui célèbre un anniversaire quand même assez important. Donc c'est le net label WM Recordings qui était déjà à son 100e album donc de sortie. C'est quand même assez impressionnant. Donc ça fait 5 ans qu'ils sont actifs. Toujours des albums vraiment intéressants, vraiment pétés. La plupart du temps, c'est des... toutes sortes de genres différents, donc qui se limitent à vraiment rien. Donc, je vais vous faire passer une pièce de l'artiste qui vient de Brooklyn. L'artiste s'appelle Sick to the Back Teeth. Je vous fais entendre sa pièce Fear of Water. Donc, pour tout de suite, on entend Eris H. Ça fait du bien un petit peu de musique brutale à Web Music. Donc, c'était l'artiste Sick to the Back Teeth, un artiste qui vient de Brooklyn. C'était sa pièce Fear of Water. C'est sur l'excellent net label WM Recordings qui vient des Pays-Bas. Donc, comme je vous le disais tantôt, c'est leur centième album. Donc, c'est quand même pas rien. Ça fait 5 ans qu'ils existent. Puis, je pense qu'ils sont bien partis pour un autre 5 ans facilement. Avant ça, de la Grèce, c'était Eris H, la pièce Burning Leather. C'est sur le net label allemand Vescalt Blow Farm. Donc, net label qui existe depuis déjà 3 ans, qui ont quand même des albums qui sont vraiment intéressants. On va poursuivre avec l'artiste Musicalis. C'est un artiste russe qui vient de la ville de Kaliningrad. Donc, je vous fais entendre sa pièce Flying Subjects. C'est sur le net label Deep Limit. Donc, c'est un net label qui vient de l'Ukraine. Eux autres, ça fait un bon 2 ans qu'ils sont dans le monde du net audio. Donc, ils ont toujours des trucs techno minimal assez profonds. Il y a toujours des trucs qui valent la peine d'être téléchargés. Donc, je vais entendre une pièce qui est sur la compilation Deep Limit 2 Years Deep. Puis ensuite de ça, du Royaume-Uni, l'artiste s'appelle Toy Cult. Je vais passer sa pièce Chinwagon Shit. Donc, Toy Cult, vous allez voir, sa pièce est vraiment intéressante. Donc, c'est ça, on écoute tout de suite Musicalis. Thank you. du Royaume-Uni, c'était Toy Cult, la pièce Chinwagon Shit. Avant ça, c'était un artiste de la ville de Kaliningrad en Russie. Donc, l'artiste s'appelle Musicalis. Je vous ai fait entendre sa pièce Flying Subjects. C'était sur la compilation Deep Limit, Two Years Deep, donc sur le net label Deep Limit, un net label qui est ukrainien. Ça va déjà être tout pour Web Music. Je vais vous faire passer une dernière pièce avant ça. Donc, c'est ça, je vous invite à rester sur les ondes de CKRL. Vous allez avoir une émission surprise tout de suite après Web Music. Donc, c'est ça, restez à l'antenne. On a une petite surprise pour vous. Donc, nous, on va se laisser avec une pièce de Maxime Robin. Je vous fais entendre la pièce Le Royal Break, donc c'est sur son album Is a Tempo Kind of Guy. C'est un album qui est en vente et que maintenant que Maxime Robin a décidé de laisser gratuitement, donc pour une plus grande diffusion. Donc c'est vraiment généreux de sa part. Puis c'est un album qui est excellent, donc je vous invite à le télécharger. Donc c'est ça, c'est tout pour Web Music. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à compter de 21h pour notre émission. Puis ben, c'est ça, restez sur les ondes de CKRL. Bonsoir. Le début est solennel, pompeux, royal. Le début est solennel, pompeux, royal. chanson francophone des années 70 à 80. C'est Jean-Philippe Deschênes qui vous convient l'émission Ma boîte à cassettes les mardis 14h30. Écoutez le 89,1, la radio culturelle à Québec.